Bonjour à toi, cher auditeur de la marge. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolaine Ruet jusqu'à 4 heures. Critique de Crowd, je critique les foules. Alors, je suis avec toi, Crowd. Je check le spectacle et... ouais, je me revire quand même souvent pour te regarder. Et oui, c'est aussi toutes mes anecdotes bien personnelles là, de ma propre expérience en tant que spectatrice. Et cette semaine... aïe, aïe, aïe! Mais oui, il fait chaud, j'apprends pas grand-chose de neuf, alors ce sera un spécial intérieur parce qu'on a envie de profiter de l'air climatisé des salles de spectacle de Montréal. Chose que je fais pas mal le restant de l'année, mais cette semaine, ça faisait encore plus plaisir, disons. Alors voilà, spécial intérieur avec les shows à l'intérieur du Festival de Jazz. Je suis allée voir Daniel Caesar, que je ne connaissais pas du tout. Je sais pas à quel point... Je le connais un peu plus maintenant que je l'ai vu en spectacle. De là à dire que je le connais très bien, ce sera à suivre. Mais... ben ouais, ouais, une certaine expérience de foule, c'est à suivre, c'est à suivre. Sinon, hier, ah, écoute, c'est encore tout frais, là. J'ai encore l'étampe sur mon poignet tellement ça fait peu de temps que je suis revenue du show de Buddy et Big Brave. Et oui, c'était, ça avait lieu hier soir. Le show s'est terminé à 00h30 à la Vitrola. Un très beau spectacle. Et encore une fois, je trouve ça intéressant, le rapport peut-être température et genre musical. Parce que durant tout le show, je me disais, mais ça me semble c'est le genre de spectacle que j'aurais aimé voir l'hiver. Alors, je sais pas à quel point ça va avoir changé mon appréciation du spectacle. Ou parfois même, peut-être, notre mood en crowd. Déjà, on crée de la chaleur. Alors, bien des questionnements durant l'émission. Et on va écouter de la musique parce que la radio, c'est fort agréable d'en entendre. Ben, écoute, Barrasso a sorti une nouvelle toune qui est en exclusivité sur le site de CISM, CISM893.ca pour ceux qui le connaissaient peut-être pas. Alors voilà, 3 ans après des X, des Croix et des Pointillés, Barrasso sort une chanson Colada. Ce sera leur deuxième album et il va sortir le 16 août prochain à la Sala Rossa. Alors d'ici ce temps-là, apprécions cette nouvelle toune. La table et mise, les couvres sont je sais pas vous, Crowd, mais j'ai déjà hâte d'en entendre davantage de cet album Colada. Et vous avez entendu une chanson du même nom, Colada, de Barrasso. Et vous écoutez Critique de Crowd sur les ondes de CISM. Quitte un rose de Daniel Caesar, que comme j'ai dit là en début d'émission, je connaissais pas partout. Mais il a beaucoup piqué ma curiosité parce que dans la programmation du festival de jazz, son spectacle annonçait complet. Je ne te connais pas et tu affiches complet et tu donnes une seconde date. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Alors ça a beaucoup piqué ma curiosité. Et pour ceux qui, comme moi, le connaissent pas pendant tout, mais c'est un genre ontarien qui est né en 95. Oh, le jeune garçon! Et sinon, son vrai nom, c'est Ashton Simmons, qui fait dans le R&B soul teinté de gospel. Et il a quand même été assez remarqué, là, je veux dire, dans le top 20 des albums R&B selon le Rolling Stones. Et comme j'ai dit, tu sais, il fait sold out. Je trouve que quand la foule est présente, il y a un signe qu'il se passe une certaine attraction. Qu'elle soit éphémère, qu'elle ne le soit pas, il se passe quelque chose. Allons voir la crowd. Et ben oui, j'arrive un peu en retard, ben comme d'habitude, là. Fait que ouais, je me pointe au MTLUS et le spectacle, la première partie est déjà commencée. Première partie qui va rester anonyme là, jusqu'à la fin des temps. Là, j'ai cherché vraiment fort sur Internet, même sur l'événement, des gens posaient des questions comme qui était le DJ en première partie. Pas de réponse. Vraiment pas. C'était vraiment un DJ, mais j'ai l'impression que pour moi, c'est super clair quand je dis que c'est vraiment un DJ, là. Je veux dire, en musique électro, ben oui, il pourrait spinner puis faire bien les affaires en direct. Mais là, on a plutôt affaire à un DJ comme dans un bar où il va mettre des tunes pour le bon plaisir du public, pour les réchauffer dans le cas d'un spectacle. Fait que j'ai trouvé ça quand même particulier, la dynamique que ça l'apportait. Je suis arrivée puis l'ambiance était extrêmement molle. J'avoue, il fait chaud puis même... Ah, oh, mon Dieu, quelqu'un qui a fait le commentaire juste à côté de moi puis ça me faisait capoter. Il y a une fille qui faisait « Ah, il fait chaud! » Il m'a dit « Sors dehors, tu vas trouver qu'il fait frette! » Fait que c'est sûr que peut-être qu'on était plutôt tranquille parce qu'on voulait pas nécessairement dépenser plus d'énergie qu'il ne le faut. Peut-être en attendant Daniel, c'est à suivre. Mais chose certaine, c'est que ça, j'ai vraiment l'impression que le fait que ce soit un DJ qui enligne des chansons puis qui les remixe pas vraiment, qui nous entertain un peu, ça a eu vraiment un impact sur comment les gens étaient... C'était tranquille, mou. Mais en même temps, il jouait des gros classiques pop, mais que j'avais de la misère à... que j'avais vraiment de la misère à comme spotter. Je me disais, voyons, je connais cette chanson. Mais à chaque fois, je me disais, ah, ben on dirait Destiny Child. Puis à chaque fois, je me disais, ça se peut pas là, que ça soit juste ça. Là. Voyons, il doit avoir de la variété dans ses échantillonnages. Et je dis échantillonnage parce qu'il arrêtait pas mal toujours les chansons au tiers. Il gardait comme... les moments forts des chansons. Et même dans la foule, je trouve que ça, par contre, ça se sentait. Dès qu'une chanson partait, que les gens la reconnaissaient, ils vont même la chanter. Ouais. Et ça va avoir une bonne expression, tu sais, yeah! Mais juste au début. Après ça, ça se tranquillise. Puis aussi, les choix musicaux, il y en a qui vont vraiment atteindre personne. Fait que ça va aller ici et là dans les réactions, puis on le sent aux secondes, tu sais, aux premières secondes qu'on entend la chanson. Ça, je trouve ça quand même assez intéressant. Mais question danse, oh là, pas vraiment, ça danse, ça ambiance un peu. Étant donné que je ne connais pas ce cher Daniel, je l'ai même pas écouté avant d'aller voir le spectacle. C'était de la complète surprise. Ben ouais, je sais pas encore une fois si c'était de l'économie d'énergie ou tout simplement, ben ouais, qu'on... On file pas tant non plus, là. Tu sais, c'était pas... Le DJ, il essayait d'entertainer le public, puis il leur disait des choses, mais c'était jamais des grosses réactions. C'était pas non plus d'un grand charisme époustouflant, même s'il pouvait aller en avant de la scène. Chose qui prouve aussi que ses chansons étaient bien placées pour pouvoir se déplacer quand même. Fait que, ouais, ça reste d'un calme. Je sais pas trop comment me sentir là-dedans. Et, par contre, dans la foule, c'est pas difficile de se déplacer, mais c'est difficile de se trouver une place quand on n'arrive pas exactement à l'avance. Je trouvais que pour un spectacle complet, il y avait comme des petites craques, là. Tu sais, tu vas quand même un peu te déplacer, mais les gens étaient vraiment, ouais, bien positionnés pour le show. Alors, mais en même temps, c'est clair qu'il y a des plus de 1000 personnes au parterre, je veux dire. C'est clair que si tu pourras pas être exactement en avant, mais ouais, il y avait une espèce de ratio, c'est fluide comme déplacement, puis en même temps, je me sens facilement arrêtée par les gens qui ont vraiment décidé leur place. Fait que j'ai complètement choqué d'essayer de me faufiler dans la foule. J'ai vraiment abandonné. Je pense que j'étais comme mi-sale, tu sais, dans le coin des bars puis de l'escalier, là, à peu près dans ce coin-là du MTLUS. Fait que je le savais pas encore. Au contraire, je le réalisais pas parce que avec le setup du DJ, ben, j'allais rien voir. Fait que ouais, je le sais pas encore, mais ça, ouais, ça va avoir quand même un certain impact sur mon appréciation du spectacle et clairement celui de d'autres personnes, là, parce que hein, quand tu vois pas, ça va être de la musique, t'sais, t'as envie de voir ton artiste favori. Alors voilà, on va entendre la chanson des Dorothées, le DJ brûle et c'est OK, parce que tu sais, hein, on parle de DJ depuis tantôt. Toujours agréable d'entendre les Dorothées sur les ondes de CISM. Un classique, danse et explose. Et on a entendu la chanson, le DJ brûle et c'est OK. Avant de poursuivre cette merveilleuse critique de Daniel Caesar, il y a Divan Féril qui vient faire une surprise en studio. Allô, Divan. Allô, Jolene. T'as une grosse annonce de crowd à nous faire. Ben oui. Viens-toi donc. Tout de suite après la belle voix agréable des Dorothées, si on peut dire. Oui, oui. En m'en venant dans les studios ici, je suis passé en moto sur la rue Rocklin. Juste ici à côté, pas loin de Côte-Sainte-Catherine. Et il y a un kiosque de limonade sur le coin. Deux jeunes filles qui vendent de la fraîche limonade pour le prix exorbitant de 1$. 1$? Est-ce que c'est un gros verre? C'est un très bon verre. On est au-delà du 250 millilitres. Là, on est plus, vous aviez un bon 333 millilitres, je dirais. Et puis, c'est au profit des grands frères et des grandes sœurs. Fait que si jamais vous êtes dans le coin de l'adversité de Montréal, vous pouvez faire un petit crochet sur Rocklin. qui est la belle petite rue qui monte à côté de l'hôtel de ville. Merveilleux, on leur souhaite plein de crowd. Toi, t'es-tu allé à boire ou t'es juste comme... Non, j'ai arrêté, je n'ai pris un, j'ai jasé. Tu peux confirmer qu'elle est bonne, là? Elle est très, très bonne. Puis ils sont rendus à quelque chose comme 150 verres en deux jours. Fait qu'ils espèrent la fin de la canicule parce qu'ils sont brûlés, les deux pauvres petites. Et là, mais pour une bonne cause alors. Et voilà. Amusons-nous et allons boire de la limonade en crowd. Merci beaucoup, Divan, pour ce cue. Vraiment. Rock on. Écoute des scoops à critique de crowd, ça n'arrête plus. On fait la circulation aussi ici, là. Non. Ça, c'est de la crowd, mais qu'on n'aime pas, là. Non, fait OK, c'est bon. Moi, je parle juste d'une crowd qui est quand même agréable de vivre avec, dont celle en spectacle. C'est bon. Météo, il fait chaud. Et là, ça, c'est un autre gros scoop. Sur ce, ben, hey! Daniel Caesar. Là, j'ai dit que je le connaissais pas, enfin, je l'ai découvert. Et si toi aussi, t'as encore plus envie de découvrir, extrait. Everywhere that I go, everywhere that I be, if you were not surrounding me with your energy, I don't wanna be there, don't wanna be anywhere. Je n'en mettrai pas plus longtemps. Oui, c'était à peu près la même énergie durant tout le long du spectacle. Et pour la parenthèse, oui, pour ceux qui connaissent bien l'émission Critique de Crowd. Ah! C'est le genre de musique qui me fait un peu pogner les nerfs parce que j'ai envie de crier, c'est quand le punch. Fuck, je ne suis peut-être pas la spectatrice idéale pour ce genre de spectacle. Par contre, j'ai deux merveilleux constats à faire sur cette foule qui n'est pas tant venue me chercher. Parce que, les déplacements sont pas très faciles. Ça, je trouve ça bien correct. Moi, ça me donnait vraiment l'impression que les gens allaient être hyper fans en voulant bien garder leur place puis avoir une bonne vue. Tu sais, je veux dire, à l'entraque, là, je me suis déplacée peut-être de 4 personnes. Pas 4 rangées, là, 4 personnes. Puis je me disais, ouh, je dois être plus proche. Non, j'allais, non. Ce n'était qu'une illusion! Fait que... Mais dès le début du spectacle, avant même que ça commence, on entend un petit Daniel. C'est minuscule, mais vraiment... pas inaudible, là, mais vraiment, ça ne crée pas une attraction. Les gens deviennent pas fous d'excitation. Puis ça s'arrête assez rapidement. Fait que je me dis, bon Dieu, ils ont bien l'excitation tranquille, cette crowd-là. Ça va quand même être plus fort quand ça va être véritablement son arrivée, des applaudissements. Mais encore une fois, c'est pas si intense. Je crois que j'ai mis sur un... comme une espèce de piédestal du sold out. Je me suis dit, hey, il va avoir une attraction, une excitation, un énervement ou tout simplement des longs applaudissements qui témoignent de beaucoup d'amour. L'amour. Il va plutôt être témoigné par vraiment des « je t'aime, I love you ». Ouais, c'est surtout en anglais. Enfin, ça, par exemple, il va en avoir ici et là. Je trouve ça quand même oui, beau. J'ai l'impression que le spectacle, pas qu'il portait à ça, mais le fait que ses interactions soient posées puis qu'il puisse avoir des silences permettent d'avoir ça dans la foule, que ça éclate des « I love you ». Puis il y en avait une, oh mon Dieu, elle voulait vraiment beaucoup. Elle bondissait. Elle faisait pas les petits sauts, là, mais elle faisait carrément des bons. Je sais pas si c'était pour que son « Ah! » son « I love you » aille plus loin. Non, c'était surtout pour mieux se faire remarquer par Daniel. Ah, de là à dire que c'est efficace. Ben, il répondait, il disait « I love you too », puis il prenait le temps à chaque fois de le dire. Fait que ça, je trouve que c'était quand même bien attentif pour sa foule. Et ouais, au début aussi, c'était quand même marquant, là, des « Ah! » des Daniel, tout excité. Et ce que... Mon constat aussi était de faire que entre le cri d'une fille et d'un chanteur de black metal, des fois, la distinction, hein, ça peut être assez mince. Je me suis dit, peut-être que dans la foule, il y a quelques amateurs de black metal qui se cachent et qui sont comme Daniel! Fait que ce serait toujours agréable. Là, c'est sûr que mon imitation de Daniel n'était pas assez aiguë pour que ce soit aussi crédible. Mais bon, hein, les imitations à critique de crowd, c'est pas nécessairement mon point le plus fort. Le plus beau moment, en plus de oui, c'est ces petits moments de déclaration d'amour qui sont pas fanatiques. C'est vraiment, j'ai trouvé ça, à part celle qui bondissait, là, elle était quand même plus intense, mais je trouvais comme, c'était juste un témoignage. Je voulais le dire, il pouvait pas se retenir, ils le disent, sans que ce soit, une espèce de hystérie collective, là. Fait que là-dessus, je trouve que c'est encore une fois, ça prouvait à quel point c'était une foule qui était très tranquille, posée, ils écoutent les chansons et surtout, il chante. Ah! C'était beau! Sérieusement! Ah! Je crois qu'il y avait, oui, des choristes sur scène, mais il devrait mettre sa crowd sur scène parce que c'était une des plus belles chorales que je peux avoir entendues. Non, il gueule pas. Des fois, il gueule des fois, je t'aime, mais c'est pas... c'est doux, c'est délicat et surtout, ils sont sur la note. C'était vraiment, mais vraiment beau comment il pouvait chanter les chansons du début à la fin. Et c'est là qu'on constatait à quel point les gens étaient fans de lui, mais que c'était fait... Oui, tout en justesse. Des fois, en crowd, on n'est pas préparé, puis on se connaît pas toutes, puis on n'est pas toutes bons égales, là. Fait que ça peut donner des résultats plus ou moins excellents. Mais là, vraiment comme crowd, je trouve que c'était un bon moment à vivre. Mais de là à dire que ça fait, moi, que ça fait que c'était un spectacle que je vais me rappeler tout le temps. Non. S'il y avait quelque chose de peut-être un peu froid malgré tout, malgré cet amour. Ouais, c'est peut-être juste ça. On avait peut-être besoin d'un peu de distance pour cette chaleur accablante. Je sais pas. Sur ça, on va aller écouter des chansons qui disent « Je t'aime » comme « Que je t'aime » de Sweetheart Sébastien. Attraper ton cœur. Amour d'amour, qu'est-ce que tu dirais? Amour d'amour, si on finissait. Amour d'amour, le vrai, le vrai. Amour toujours, amour à jamais. Amour toujours, amour à jamais. Amour toujours, amour à jamais. Amour toujours, amour à jamais. Jamais, amour toujours, amour à jamais. Amour toujours, amour à jamais. Amour toujours, amour à jamais. Plein plein d'amour à déclarer. Sonny Duval, Amour d'amour. Sur son album Amour d'amour, ben, Colin, vous avez aussi entendu Sweet Home Sébastien avec la chanson Que je t'aime. Vous écoutez Critique de Crowd, oh, dans un complètement autre ordre musical. Après les publicités, on va jaser de Girl Circles, Ligna Ignota, Big Brave, The Body. Hey! Il y a un concours, fait que reste. Après les publicités, à tout de suite. Lève ensemble, pussy clap pour ton selfie et pour ses SM 89.3 FM. Et pour la radio, on a ici un beau tape cassette 8 tracks avec des grosses batteries pis tout. Ok, je suis pas super sûr. Ok, d'abord, regarde-moi ça. Un beau téléphone cellulaire Motorola 1992 qui vient dans une belle mallette brune, le plus stable sur le marché. Vous auriez pas quelque chose de plus récent, mettons? C'est parce que je sais pas vraiment. Madame, est-ce qu'on vous a parlé de l'application CISM? Regardez bien ça. Vous pouvez écouter en direct ou en podcast toutes vos émissions. Vous pouvez même les sauvegarder dans vos favoris et voir la liste des chansons jouées. Puis en plus, ça vous coûte rien. Ah, wow, merci! Hey, ça, c'est bon pour les affaires, mon Steve. Je suis Béris. Salut, je m'appelle Louis-Philippe Gingras. Bonjour, ici Claude Pelgag. Je suis Philémon Simon. Salut, ici Lydia Kepelski. Je suis Antoine Corriveau. Je m'appelle Sarah Toussaint-Lévy. Bonjour, je m'appelle Martha Charlotte Wainwright. Et j'écoute les Charlottes. J'écoute les Charlottes. J'écoute les Charlottes. Et j'écoute les Charlottes. Et j'écoute solidement les Charlottes. Et j'écoute les Charlottes. Je suis dans le parc Laurier, je me fais cuire un steak, puis j'écoute les Charlottes. Les Charlottes, tout le monde écoute ça. Tous les jeudis de 7 à 9 heures sur les ondes de CISM 89,3. Le Festival international de jazz de Montréal vous invite à célébrer l'été pour sa 39e édition. Venez danser sur les rythmes envoûtants de Ravine. Voyez aussi Geoffroy et Clément Bazin pour une soirée électropop. Passez une soirée jazz fusion avec le groupe Soft Machine et venez vous trimousser sur les rythmes latinos de Marina. Billets en vente au montrealjazzfest.com. Présenté par TD en collaboration avec Rio Tinto, en association avec La Presse Plus et CISM. Cette capsule est présentée par Promotion Propaganda qui vous propose cette semaine. AIM Festival, les 6, 7, 8 juillet, le festival de l'été. En vedette, Top Fire, Sacha, Danny Tenaglia, Claude Von Stroh, Roger Sanchez, Ali et Fila, Dubload, Kill the Noise, Emma Hewitt, Ben Gold et plusieurs autres. 3 jours de festivités déjantées sur 5 stages avec un méga site de camping naturel. Be there au Parc Carillon, aimexperience.com. Pour savoir ce qui se passe dans le monde culturel et urbain, consultez nos différents présentoirs partout à travers Montréal. Promotion Propaganda, c'est la culture à portée de main. Célébrez l'été à la 39e édition du Festival international de jazz de Montréal. Sur scène, Moses Somney et son alliance subtile de folk, de jazz et de blues. La musique électro du jeune DJ français, Môme. Une soirée 100% hip-hop avec le duo torontois Come Down, Nate Husser, Zach Zoya et Naya Ali. Une soirée tout en douceur avec la chanteuse néo-zélandaise Kimbra. Billets en vente maintenant sur montrealjazzfest.com. Présenté par TD en collaboration avec Rio Tinto, en association avec La Presse Plus et CISM. Vous écoutez CISM 89.3 FM. comme je les aime, Montréal Carnivore. Vous avez entendu Viande et vous écoutez Critique de Crowd sur les ondes de CISM. Montréal Carnivore, je les aime et... Quel bel adon! À soir, ils sont en spectacle à la Casa del Popolo avec Cœur Richelieu et Rusty Eden. Soyez-y! Soyez-y! Si vous voulez un billet, attends deux minutes. Sinon, ben écoute, à soir, moi, j'avais bien l'intention d'aller voir Too Many Zoos, mais là, depuis que Montréal Carnivore en spectacle, j'hésite. Non. Je vais voir. Il y a deux prestations de Too Many Zoos à la place des festivals dans le cadre du festival de jazz. Je sais, fou, me dis, est-ce que je vais voir les deux? Moi, ça m'intrigue. Pourquoi il y a deux prestations le même soir avec une heure de décalage? C'est bien intriguant, tout ça, comme thématique. C'est à suivre. Vendredi, ben même affaire, à 21h et à 23h, c'est à la place des festivals, t'as négative. Et sinon, si t'as envie que ça bardasse un peu plus, va à la vitre là parce qu'il y a Curse et Shooting Guns en spectacle samedi et ben toute la fin de semaine parce que c'est les week-ends du monde au parc Jean Drapeau. Sinon, samedi, c'est également la fin du festival de jazz. Alors, The War on Drugs vont clôturer le tout sur la grande scène. Dimanche, c'est la dernière soirée. Fait que tu peux y aller le dernier soir en te disant c'est le moment ou jamais! Ou être un peu plus à l'avance parce que c'est quand même du 5 au 8 juillet. Ben oui, le festival Diapason à Laval! Et ha ha! Si tout comme moi, tu dis Laval c'est loin, ben il faut du camping à Star. Fait que sûrement que tu peux plus dire que c'est loin parce que tu peux coucher là-bas. Reste que dimanche, ce sera Candles and Bamboo, Wild Mercury et Shinako au festival. Lundi, si tu avais. Oh! Tant envie d'écouter du chill pop, slack rock, ben va donc au Ritz PDB voir Boy Pablo. Mardi, c'est Julien Sago à l'ESCO. Et il y a également encore à Laval! Et qui s'en passe des affaires à Laval? Alors, à notre merveilleuse ville palindrome, il y a Beck à la Place Belle. Mercredi, Makeovers, Fudge vont être en spectacle à l'ESCO. Et... ben là, ça doit faire deux minutes. Hein. Ben ouais, si tu veux voir Montréal Carnivore, je te garde, crowd, parce que j'ai bien des billets. Alors appelle et surtout appelle au 514-343-2476, puis boum, je te les donne. Puis là, je vais sûrement hésiter, puis me dire, ah oui, moi aussi, j'ai envie d'aller voir le spectacle. Fait que moi-même, je vais appeler. Non, je vous laisse la ligne. Je vous laisse la ligne pour appeler au 514-343-2476 pour voir Rusty Eden, Richelieu et Montréal Carnivore. Bien, bien du rock. Alors pendant que t'appelles, ben je vais te passer des tune de CISM, le palmarès! Fuck! Les louanges et Mounia sont dedans et c'est fort plaisant à entendre. C'est pas la fin du monde, mais ça, même si on y arrive pas à la fin de la semaine, on ira faire un tour de char dans ta terre, celle 96. Popper les chaînes des trottoirs, caler les bières cheap step. Se retrouver au terrain de baseball, claquer tout ce qui nous reste. C'est pas la fin du monde, mais ça, même si on y arrive pas à la fin de la semaine. On ira faire un tour de char dans ta terre sur 96. On joue à même le sol, dos au mur, la poussière va toute seule, ouais. Feedback colossus, vague de chaleur trempée dans nos chandails. Tympan percé par les cymbales, ramé jusqu'à l'autre bord du fleuve, retour au bercail. Passé au travers du cachet, tout mis ça dans le taxi, puis la boréale. J'ai vomi sur le tapis, je sais pas trop où on s'en va, je m'en fais pas trop de toute façon. C'est pas la fin du monde, mais ça, même si on y arrive pas à fin de la semaine. On ira faire un tour de char dans ta terre, c'est le 96. Popper les chaînes de trottoir, caler les bières chips dip. S'en trouver au terrain de baseball, claquer tout ce qui nous reste. Big thing, ouais, mais next week. La tuque ben vissée, watch moi j'arrive. Miss la dernière aile de casualty, typique Lévi. 2h du matin, encore stock, chantier Baby Sweet Dreams. Ils s'en foutent la tes yeux, tu traces ton silver lining. C'est pas l'idée. Silver. C'est pas la fin du monde, mais ça, même si on y arrive pas à la fin de la semaine. On ira faire un tour de chat dans ta terre, c'est le 96. Chaîne de trottoir, Calibiachi, Tibiette. Se retrouver au terrain beige, par le claque de ce qui nous reste. C'est pas la fin du monde, de sang. Sur les ondes de CISM. Première position, première. Félicitations, Mounia, parce que la belle chanson que vous venez d'entendre, elle s'appelle Trop tard et elle se retrouve en première position. J'avais envie de le répéter. Sinon. Mais vous avez aussi entendu en premier les louanges et la chanson Intercelle pour toutes les autres, parce qu'il y en a 30 en tout dans le palmarès francophone et instrumental anglo que je vous passe trois fois par plus jamais. Là. Ça donne jamais. Qu'est-ce que je te dise? Mais. Dans ta vie, en général, tu peux prendre le temps, toi, d'aller l'écouter sur le site, c'est ism893.ca. Et sinon, tu écoutes toujours un critique de crowd qui dit bien des folies sur les ondes de la marge et qui félicite Louis-Philippe, bien bravo, va voir Montréal Carnivore, ça va être bien le fun. Sinon, ben écoute, je suis encore... sûrement en train de décanter du spectacle. Souvent, quand à Critique de Crowd, j'aime ça voir les spectacles comme quelques jours avant l'émission. Comme ça, j'ai le temps de, ouais, de voir ce que j'en retiens, de, ouais, avoir une certaine distance temporelle avec le spectacle, chose que je n'ai pas du tout en ce moment de ce show avec Girl Circles, L'Ignota Ignota, Big Brave et The Body. C'est des shows qui sont quand même assez intenses juste par la musicalité et des fois aussi par le type de prestation, comment les artistes peuvent se donner. Mais voilà, je crois quand même que ça va faire une très bonne critique. Et j'ai dit que c'était un spécial intérieur, mais je crois aussi que c'est un spécial full qui parfois, ouais, peut-être ne réagit peu, mais non, c'est à suivre. Simplement, ça m'aura fait, un peu cet effet-là en arrivant un petit peu, peut-être beaucoup, en retard pour le spectacle de Girl Circles. C'est un artiste de Montréal et j'avoue qu'on sait pas grand-chose sur cet artiste. Non, pas beaucoup d'informations. Un Bandcamp enregistré dans le sous-sol de la casa, puis c'est pas mal ça. Mais je vous dirais que c'est, pour moi, c'est surtout de la performance. Oui, c'est très assourdissant comme son. Je montais les escaliers de la vitrola, puis je vous dis, ça grondait. Je voyais, même si je ne voyais pas, je sentais toute l'intensité qu'il devait y avoir dans la salle. Comme une espèce de gros blast beat électronique. Et ouais, je rentre et bonne foule, fait que je m'approche tranquillement et je vois. Je vois vraiment comme c'est de la performance. Tu vois l'artiste qui est dans un maillot one suit aux couleurs du drapeau américain. Et à côté, c'est la personne qui s'occupe du DJ set avec son ordinateur et d'autres patentes qui porte une toge noire un peu à la Son Ho. Et elle avait un masque de renard, je sais pas. J'ai encore des doutes sur l'animal. Un rongeur, je vais miser là-dessus, mettons. Fait que j'arrive et ça prend pas de temps qu'elle va aller et retourner dans la foule. Fait que la crowd va quand même, oui, se déplacer un peu, une espèce de demi-cercle un peu plus ovale, un peu plus en longueur, étant donné les déplacements qu'elle va faire. Et par la suite, elle va même se jeter une pinte de lait. Je précise, lait d'amande. Je sais pas pour toi si on en fait une, mais sur le plancher, ça donne quand même une couleur avec l'éclairage quand même plus particulière. Ah oui, elle va jeter une pinte de lait pas pleine sur la tête. Ça aussi, je le précise parce que je crois que le ménage aurait été encore plus long si elle avait été pleine. Et là où je dis que la foule réagit pas peu, ben là, c'est vraiment le moment, tu sais. C'est relativement, on pourrait dire, intense. On voit que la personne, se donne, ça peut aller jusqu'à être un peu cathartique pour l'interprète. Puis nous autres, on est là, puis on check, puis pas de réaction. Ouais, ben, j'ai peut-être entendu un petit « il est très isolé » pour un autre moment durant le spectacle. Mais ouais, en même temps, c'est pas le genre de show non plus que tu vas hyper réagir. Mais ouais, d'une écoute qui paraît presque stoïque, ouais, dans la foule. Pas que ça nous prend beaucoup pour nous impressionner, mais je crois aussi que ça fait partie de, ouais, une espèce de forme de respect. Ça peut tellement être intense pour ceux qui le font que, je sais pas, on dirait qu'il y a des certains types de réactions qu'on sortit où on est juste à l'écoute, en train de voir ce qui se passe, vraiment. Ouais, comme un pur spectateur, quelque chose de quasiment voyage, j'ai envie de dire. Parce que là, elle est là, puis elle gueule, puis elle est un petit bonhomme à un moment donné. Puis elle gueule, là, tu sais, de façon tellement plaintive que peut-être que pour certains spectateurs, vous pouvez avoir comme un certain sentiment de malaise, mais en même temps, tu sais que ça fait partie d'une performance artistique, fait que t'as pas non plus à dire « Ah, je devrais pas être là », tu sais. C'est là aussi pour être une performance, c'est là pour être vu. C'est pas juste être fait pour être vécu par un peu malaise ou un malaise, tu sais. Mais reste que c'est tout ça quand même qu'on peut vivre en même temps. Et ça a pas pris beaucoup de temps, malgré mon retard, pour me sentir vraiment dans cette bulle-là, dans ce mood-là avec l'artiste. Là-dessus, je trouve ça intéressant. Je me demande si c'est par l'esthétique. C'est pas la première fois que je vois ce genre de spectacle-là, mais sans que ça vienne nous chercher aux tripes, ça prend rapidement notre attention, ce genre de spectacle-là. Par la suite, il va y avoir aussi le DJ qui va prendre un gun à eau, là, mais il était tellement pas subtilement comme caché, là, il était en dessous de sa table, là, comme elle le prend subtilement. Juste, je sais pas comment dire, mais le gun, il ressemblait pas tant à un gun. Fait que c'était juste là où il y avait le mystère. C'est comme, mais qu'est-ce que cet objet de plastique? Ah! C'est un gun à eau! Et la personne n'arrête pas, genre, de le viser dans les éclairages. Fait que, je sais pas si je suis la seule dans la foule, mais je me disais, de l'eau. Plus de l'électricité. Mais ça me semble que ça fait pas très bon ménage. Surtout, je comprenais pas pourquoi elle visait tout croche, là. C'est comme, mais pourquoi? Surtout avec la température qu'il faisait, les quelques fois qu'elle éteignait la foule, je crois pas que ça déplaisait les gens. Peut-être même au contraire. Mais comme je vous ai dit, hein, c'est un spécial air climatisé, spécial chaud à l'intérieur. Fait que, ouais, on était acclimatés, là. Ça a pas pris de temps qu'on sentait plus qu'à l'extérieur, il faisait chaud. Mais comme j'ai dit en début d'émission, pour moi, ça avait quand même un certain impact. Je sais pas si... ouais, si c'est l'esthétique, des fois c'est la musicalité. C'est tellement lourd, des fois, puis pas dit de même lourd. Je sais pas comment toi tu l'interprètes, crowd. Mais lourd dans le sens que c'est des musiques qui sont avec des sonorités pesantes. Des fois, je trouve que, tu sais, ça... On le sent carrément sur nos épaules. Fait qu'avec, oui, l'air qui est déjà chargé, il me semble que c'est comme encore plus. Et d'où la raison que je disais qu'il me semble que c'est le genre de spectacle que j'aurais vu dans un mood où il fait froid. Je sais pas, déjà comme l'espèce de distance de froid. Enfin, mais comme je dis, on dirait qu'on est tellement rapidement acclimaté que j'ai plus eu cette sensation-là. Mais ça m'est traversé l'esprit, au début, quand j'étais encore toute chaude de dehors. Alors, pour cette raison-là, on s'en va écouter plus loud, parce que, ouais, chaud plus chaud, ça donnait chaud. Plus loud de Zeus sur les ondes de CISM. We'll be right back. Cloud sur les ondes de CISM qui se retrouve sur le EP1B. Oui, c'est une merveilleuse chanson de Zouz. Vous écoutez Critique de Crowd de CISM. Et on est rendu à l'entracte de ce spectacle de Big Brave et de Body. Là, Jolene, tu sais, comme tu te dis, ouais, mais pourquoi t'en parles, Jolene? Comme on s'en fout, l'entracte, là, la vie continue, là, c'est bien correct, il y en a tout le temps dans tous les spectacles. Ah, c'est peut-être parce que ça a été plutôt laborieux sur la préparation technique de Lingua Ignota. Ouais. Ah, ça, je crois que ça peut-être un peu perturbé le restant de la soirée, petit, petit décalage, mais simplement, je trouve qu'on a vécu un certain moment de foule lorsque, oui, elle était en train d'installer, oui, son piano, son micro, elle a pas vraiment de pédale, un ordinateur, quelques lumières. C'était plutôt simpliste, c'est ça que je veux dire par là, mais il y avait du fil! Ah ouais, je trouvais que ça faisait quasiment partie de la décoration scénique, même si elle n'était pas exactement sur scène, mais plutôt au parterre. Ce qui faisait en sorte que la foule, avant même que le spectacle commence, l'entourait. Mais je sais pas si c'est justement ces lumières ou enfin le trop grand nombre de rallonges. Mais à un moment donné, je crois que le technicien de son, il pensait que c'était prêt. Il a fallu qu'elle fasse comme « Non, je suis pas prête ». Alors, il y a eu un certain rire complice avec la foule. Et même si la musique a recommencé pour... Ben ouais, remplir ce grand vide d'ici le début du spectacle. Ben on attendait un peu sans lumière, puis c'est revenu à la normale. Il y a aussi eu quelques applaudissements d'encouragement avant que tout le monde remette à vaquer à ses occupations d'entracte. Sur ce, j'espère que je la débaptise pas trop souvent, parce que voyez-vous, l'ignognota, c'est en latin qui veut dire langue inconnue, et non, je ne parle pas souvent le latin, encore moins sur les ondes de CISM. Hey, tu vas me dire, ben on va en entendre, on veut en entendre. Ben, petit extrait. C'est quand même assez intense comme musique. Il y a un gros mélange baroque, classique, parce qu'elle a une super belle voix assez cristalline. Là. Ah, j'avoue que l'extrait donnait vraiment pas exemple à ça. Parce que oui, elle gueule aussi, ça fait plus noise, musique industrielle. Ça bouge quand même assez durant les performances. Puis, je tiens à le mentionner, là, l'extrait qu'on vient d'entendre de Who to Hold, ben écoute, ça dure comme 15 minutes. Fait que non, c'est sûr qu'avoir un aperçu, c'est vraiment juste un aperçu. Et ouais, j'ai trouvé ça bien intéressant comme prestation, même si, je sais pas, on sentait comme un petit stress là, de sa préparation, elle sentait le retard, puis un peu la pression du technicien. Puis le début, comme commencer sur les chapeaux de roue, là, comme... Il n'y a pas eu de pause, ni vraiment... Ça commence, boum, boum, boum. Non, on dirait que je voyais pas la distinction entre ceci, la fin de l'entracte, et ceci commence. Fac, je sais pas pour la foule, parce que finalement, elle était déjà placée, comme je vous ai dit, en demi-cercle, ça n'a pas eu d'attroupement ou une grande distinction là-dessus, mais sur le moment de vraiment se sentir à l'intérieur du show, ouais, peut-être un petit décalage. J'ai l'impression que j'en parle beaucoup, là. Ça fait deux artistes que leurs prestations sont intenses. Fait que oui, tu sais, ça demande une attention différente que d'autres genres musicaux. Et même si, contrairement à Girl Circles, où c'est... Je trouve qu'il y avait une certaine part de théâtralité, elle va être plus souvent à son piano... Qui est peinturé en blanc, tout est gratigné, je sais pas, c'est non, là, c'est purement esthétique, là, pis c'est juste la peinture, mais juste l'effet d'usure, je sais pas, ça a amené tellement une lourdeur supplémentaire à la musique. Dans ses prestations aussi, il va avoir quelques trames de débats politiques, fait qu'il y a des gens qui parlent, puis des extraits en arrière, fait que je sais pas ça non plus si c'est le discours qu'il y a eu, mais j'ai vu différentes réactions vraiment différentes dans la foule. Parce que non, ça, ah, ça bouge pas, là, je veux dire. Le monde sont vraiment en train de l'entourer puis l'écouter. Mais il y a une personne qui a vraiment... Ça, en tout cas, je me sentais comme, oh mon Dieu, j'ai envie de la serrer dans mes bras, elle a l'air de pas bien aller. Mais ouais, il y avait quelqu'un qui était immobile comme tous les autres. Et au moment que je me suis dit, ah, je vais m'asseoir, mais j'ai réalisé qu'il y avait quelqu'un également penché juste en face de moi qui tenait un petit bonhomme qui se cachait parfois même le visage. Puis je me disais, mon Dieu, es-tu en train de pleurer, tu sais? Puis non, je sais pas à quel point je fais de la myopie pour me dire comme, pourquoi je vois pas ça de loin. Ou vraiment, on le voyait que la musique, puis les propos venaient la chercher, puis ça avait l'air douloureux parce que l'attention qu'il peut-être avait debout, je l'ai pas autant vue, mais à la fin de la prestation, même quand elle était relevée, je sais pas, dans son regard, dans la façon de oui, se tenir, il y avait visiblement de quoi de douloureux. Puis juste à côté, il y avait une fille qui était en train de filmer sur son cellulaire. Bon, elle a dit de même, je sais pas. On dirait... Tu sens-tu le malaise, crowd? Je suis même plus capable de faire une phrase. Mais oui, j'ai l'air de faire un jugement de valeur sur le fait que l'autre est donc bien pris, motivement, puis l'autre à côté filme avec une certaine distance. Aïe, aïe, aïe. Je sentais surtout pour la personne qui filme, parce qu'elle a filmé super longtemps et elle était complètement immobile, le statut de sel. Je sentais aussi que pour cette personne-là, c'était comme super important comme spectacle. Déjà... d'être placé puis de le filmer comme quand est-ce que tu regardes ce genre de vidéo là encore une fois, faut être vraiment fan. Je trouve que c'est simplement parce que je trouve que c'est le genre de spectacle faut que tu vives, que tu réécoutes, hein, même si tu regardes sur YouTube, je sais pas là, ça te fait vraiment pas le même effet. Ah non, pas du tout. Puis surtout avec l'éclairage, comme je dis, il y avait comme des espèces de petits spots entourés de métal un peu boboche là. Mais bref, il y en avait comme 3-4 autour d'elle. Puis peut-être un peu d'éclairage au-dessus, mais reste que une autre personne dont les réactions m'effrayaient. Ah! J'ai eu peur! Ben oui! Il y avait quelqu'un qui regardait tout le temps la bouche grande ouverte, le spectacle. Puis il n'y avait pas de canine proéminente, mais il y avait tellement un air vampirique. Là, j'étais comme, mon Dieu, il est bien épeurant. Puis là, il regardait avec des grands yeux, la bouche grande ouverte. Puis... j'ai eu l'impression même qu'il dansait, puis on peut toujours être libre de faire ce qu'on veut en spectacle, mais c'est vrai que je pouvais être quand même un peu surprise. Je sais pas finalement s'il dansait ou il enlevait son manteau. Tu sais, c'était pas... son coat, manteau à cette température-là, non. Fait que ouais, une petite veste, ça va rester un mystère pour ça. Par contre, à la toute fin du spectacle... comme une illumination, son visage là, s'est encore plus agrandi. Il était comme emballé, il fallait qu'il partage comme le moment avec son comparse de foule. Et c'est... c'est aussi le moment que c'était un mélange et de vampire et de poupée Chucky, là. Tu sais, comme... il était comme un ensemble de choses effrayantes, tout en même temps... il avait l'air comme vraiment de triper, tu sais, puis d'être heureux. Fait que c'était un drôle de mélange, plus avec la musique. Fait que, ouais... on peut toujours être étonné des réactions qu'il peut avoir, même si ça bouge extrêmement peu pour ce genre de prestation. Alors, voilà la critique pour Ligna Ignota. Hey, Big Brave, ça c'est à suivre. Mais je me disais, peu importe le moment que je vais le faire dans l'émission, il sera toujours dadon et thématique. Mais oui, on s'en va écouter un petit bloc qui parle du fait qu'il fait chaud. Il fait chaud, même titre pour Lisa Leblanc et Bernard Adamus. Fashion. Je dors pas. pardonne-la. Il fait chaud, ça sent le fantôme, le swing, le fumier du printemps, primaire nature qui se loge l'os, qui abandonne. Il fait chaud, au baisse le chauffage du soleil qui rôtit nos peaux. On se chiffonne dans la journée, on se lance toutes comme des cinglés sur les plages de Chidiac. Il fait chaud, les oiseaux sont sortis, je trouve ça bien trop beau, jusqu'à ce qu'ils me réveillent le samedi matin, puis que je pète ma coche, puis je vais tirer des roches. Il fait chaud, c'est le festival des grands bédaines, puis des touristes dans des speedos fluo. On se met une nouvelle couche de peinture après que l'hiver nous a déteint. Adamus et Lisa Leblanc sur les ondes de CISM. Hey! Parenthèse à la critique de Crowd avant celle de Big Brave et The Body. Parenthèse sur... Ben ouais, je crois que je développe un amour pour la Vitrola parce que je trouve qu'elle a une très belle disposition pour la Crowd, vraiment. Puis je crois que c'est le genre de spectacle qui... en profite encore plus. Je m'explique. Bon. Premièrement, quand il n'y a pas tant de monde, tu sais, ça fait quand même que ça peut être intime, la Vitrola, parce que tu sais, ils tirent le rideau, puis ah, on vient de diviser l'espace, puis je trouve ça vraiment judicieux. Mais quand il y a plus de monde, oh, tire le rideau, et on trouve plus facilement les toilettes aussi. Non, mais ça, c'était une parenthèse dans la parenthèse. Reste que c'est ça, je veux dire, la deuxième scène, qui pourrait servir de scène, j'ai hâte au spectacle qui va s'en servir des deux. Ouh. Mais sinon, il y a quand même quelques tables, quelques chaises, deux divans qui sont vraiment collés au mur. Et justement, pour ce genre de show où non, ça trash pas, puis des fois, on peut vouloir le vivre de façon plus introvertif, comme appréciation du spectacle, peut-être moins regarder la scène que écouter puis sentir son ressenti. Fait que vous aurez bien compris que, tu sais, pas nécessairement tout le monde va l'être en avant ou debout. Puis je trouve que la Vitrola amène toutes ces possibilités-là, cette liberté-là en tant que spectateur. Puis je trouve ça comme vraiment le fun. Puis aussi, étant donné qu'il est placé en coin, la scène, moi, personnellement, j'étais comme, ah, j'ai vraiment passer ma soirée dans le coin. T'as que tellement l'impression d'être sur scène tout en l'étant pas. Je veux dire, mais ça, c'est le meilleur des mondes. En tout cas, pour moi, à Critique de Crowd, parce que je peux checker à la foule puis je check le show. Égal, égal! Puis avec autant de proximité là-dessus, je trouve ça... Ouais, merveilleux pour les fans d'aller voir une disposition qui permet ça, parce que ça donne quand même accès à deux côtés de la scène au lieu juste d'être frontal. Alors pour tous ceux qui... Ouais, s'il y avait des shows, là, tu dis « Ah, je pense à la vitrola. » Vas-y, garoche-toi. On dirait que ce soir-là, j'ai réalisé à quel point je l'aimais comme place. Vraiment. Et c'était grâce à tous ces angles différents que nous pouvons voir le spectacle. Et ça, c'est une raison, ouais, subtile comme tout, les angles, d'aller écouter Angle mort des Breastfeeders sur les ondes de CISM. Sous l'ombrelle, et je vois. Et non, dans son angle mort, Luc n'a pas mis de cadeau. Vous avez entendu bel et bien Angle mort des Breastfeeders qui se retrouve sur leur premier album Déjeuner sur l'herbe. Critique de crowd au spectacle de Big Brave. Ben oui, on est rendu là dans la critique. Et moi, c'est la première fois que je les voyais, même ils sont rendus à leur troisième album qui est sorti l'année dernière, Ardor. Alors, ouais, j'avais hâte et j'ai été bien heureuse de cette prestation qui a été un peu plus conventionnelle que les précédentes qui n'étaient pas soit un peu hybrides comme moitié sur scène, moitié par terre, complètement par terre, un peu plus cathartique aussi dans la prestation. Ah, ça gueule, puis ça sort le méchant. Cette fois-ci... c'est sans flafla, je vous dirais, la prestation de Big Brave. Ce que je trouve intéressant aussi dans le rapport avec le public, j'ai l'impression qu'il, sans former exactement un triangle, il y a juste les moments où il y a du chant qui fait en sorte que la chanteuse va être vraiment devant le public, va être de face, tandis qu'ils vont être plutôt à, oui, faire des effets avec leur ampli, fait que nécessairement ils vont tourner le dos au public, mais aussi des fois comme jouer puis pas nécessairement être de face et même rarement. Ouais, plus ou moins souvent, je trouve que ça y allait de façon intuitive, comme de pas vouloir faire un spectacle, que de vouloir donner un bon show. Je sais pas si tu vois la distinction, parce que musicalement, je trouve que, tu sais, ils font pas dans la prestation, ils se donnent, mais ils sont pas en train d'être éclatants puis de faire des pirouettes, là. Fait que là-dessus, j'ai trouvé ça, ouais, beau à voir, cette simplicité et peut-être le fait de ne pas être indifférent du public et savoir que t'es en spectacle, mais que c'est d'abord la production musicale qui compte, c'est le fait de jouer tout simplement. Puis vu qu'ils se donnent, sont beaux à voir et je vais me répéter, mais oui, ça reste simple. Enfin, je trouve que c'est comme ce bon rapport entre les deux qui fait que c'est beau à voir comme spectacle. Ce qui était beau aussi à voir dans la foule, oh, il y avait une distance quand même, pas une petite craque là en avant entre le public et la scène là. Oui! L'espace. Mais il y avait quand même plus de réactions. Là. Les gens, ça s'énervait pas. Là. Mais ils étaient un peu plus dégourdis, si je peux dire. Il y en avait un particulièrement, là, le sourire. Là, il montrait toutes ses dents en faisant un devil quand le show a commencé. On le voyait. Ouais, tout le plaisir. Et encore une fois, ça reste simple. Mais ouais, parce qu'on n'est pas... très extroverti comme public, mais moi, je trouve que c'est un beau témoignage, mais oui, de l'affection qu'il y a pour le groupe et aussi pour la prestation. Il va y avoir... il va y avoir des gens comme tantôt là, qui vont se cacher le visage, qui vont vouloir juste vraiment être seuls avec eux-mêmes, en quelque sorte. Puis d'autres qui, inversement, avec leur tête, vont headbanger. De petits headbangs, là. De très heavy metal, puis ça swing par là. Non. Ça ne fait plus que hocher, là. On est vraiment entre les deux. Physiquement, je trouve que c'est plus demandant que juste un petit « OK, j'apprécie, OK, de la tête ». Mais il y a cette personne, tu sais, je vous en ai parlé il y a quelques minutes, cette personne qui était un petit bonhomme puis qui avait l'air, tu sais, comme tellement perturbée par la prestation ou tripait à mort, mais ça la rendait triste, là. Je sais pas à quel point, peut-être c'est sa journée ou peut-être, oh mon Dieu, mais je me semble que tout sentait la mélancolie, mais il était complètement collé à la scène pendant le spectacle de Big Brave, puis je trouvais ça... Ouais, pas en opposition parce qu'il y avait les bras croisés, mais pouvait se balancer de gauche à droite. Mais le fait d'être aussi proche sur scène avec, oui, cette distance qu'il y avait de façon générale avec la foule, pour moi, cette proximité-là était quand même révélatrice de l'intérêt et aussi du plaisir qu'il y avait du spectacle. Mais, si tu checkais à faire ça, non, tu peux pas dire, oh, cette personne respire la joie de vivre. Ah non, ça c'est clairement pas, mais qui vit un moment heureux avec ces groupes, en quelque sorte, ouais, quand même, parce qu'il était là du début à la fin. Et le dos de linage de tête va continuer de plus en plus. Au fur et à mesure de la prestation, on va même remarquer que la foule s'est avancée. Oui, je veux dire, la craque qui était quand même assez bonne là, entre la foule et la scène n'existe pratiquement plus à la fin. J'ai trouvé ça, ouais, beau. J'aime ça. J'aime ça que ça ait avancé naturellement. J'ai même pas pu voir, ah oui, à telle chanson, les gens se sont rapprochés ou ah, ça a été demandé par le groupe. Pas tout. C'est à la fin du spectacle que j'ai réalisé. J'ai dit, hey, Colin, il n'y a plus de craque. Il n'y a plus d'espace. C'est bien cute. Fait que, ouais. Et autre moment... cute. Ouais, cute. à peu près aux trois quarts du set, parce que non, de tous les shows que je vous parle, c'est pas très bavard, là, tu sais. Peut-être que ça peut avoir un message à dire à la foule, surtout pour Girl Circles. Mais sinon, non, tu sais, on parle pas pour jaser, puis on dit pas « Mon album, il est en vente à côté de la porte de sortie. » Non, tu sais, ça dit pas des affaires de même. Fait que le seul moment qui aura eu, oui, une interaction avec le public, c'est la chanteuse qui aura dit « Ben bonjour, je sais pas quoi vous dire. » On s'appelle Big Brave, puis il fait chaud. Fait que j'ai trouvé ça, ouais, d'une douce naïveté. C'était tellement candide comme phrase, t'sais, j'ai rien à dire. Elle aurait pu rien dire, t'sais, pas mal le mot de la soirée, c'était de pas tant jaser, t'sais, mais de prendre le temps entre des pièces qui sont longues, qui peuvent... moi, j'irais pas jusqu'à dire poignantes, je trouve qu'ils sont... Ils ont un beau drame, t'sais, on se laisse porter, je trouve, par Big Brave. Fait que là-dessus, je trouvais que ça ne détonnait pas. Je trouvais que ça ponctuait d'une belle manière la prestation. T'sais, juste comme un petit twist esthétique faisant ça, tu te dis « Ah, mon Dieu, c'est ben simple comme conversation. » Puis en même temps, oui, ça a été dit. Alors, je trouve que ouais, ça a été un petit ajout ouais, intéressant à la prestation. Sur ce, ben oui, on s'en va en écouter Big Brave sur les ondes de CISM. Non, votre radio ne faisait pas du tout défaut. Vous avez plutôt entendu The Body. Mais oui, ça griche, mais ça griche merveilleusement bien avec ce duo formé de Lee Bruford et Chip Kings. Et je voulais absolument vous faire entendre de sa voix qui... Ah! Quel cri phénoménal! Ça me fait capoter. Surtout qu'il a l'air jamais de forcer quand il fait du... Ah! Merde! En spectacle. Ça bouge très peu sur scène, The Body. Par contre, dans la foule, on va vraiment constater qu'il y a des métalleux dans la salle. Ah oh, oui, là, ce sera le moment où ça va headbanger bien plus solidement. Ça va être plus chevelu même. Il y aura certains moments un peu plus collectifs même dans le headbang. Tu sais, ici et là, dans la foule, là, pas nécessairement la première rangée, quoique la première était assez fervente. On voyait que les fans s'étaient vraiment rapprochés pour ce show-là. Et sinon, je vous ai parlé de la disposition de la vitrola. Ben ouais, sur le côté, ça permettait à un bon tripeux là, de pouvoir triper comme il voulait. C'est drôle parce que il dansait, mais comme son mouvement était tellement mené par son toupette. Ah! Son toupette le précédait, ça c'est assez clair. Et sinon, ben, la performance, elle a été assez courte. C'est terminé à 00h30. Elle avait commencé à 09h09. Oui, oui, critique de crowd. Prends note, les heures et les minutes près. Reste que pour moi, ça a été, oh mon Dieu, le constat que j'avais le temps de prendre le dernier métro, d'où la raison qu'on va aller écouter Pizza avec la chanson Métro. Sur ce, ben, je m'appelle Jolène Ruet et c'est toujours un honneur d'animer sur les ondes de CISM. Question, amour, question, suggestion de spectacle. Facebook, c'est bien pratique pour ça. Sinon, j'ai un courriel, va tout voir sur le site de CISM. C'est bien pratique pour ça. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. L'autre fois je me promenais et il faisait chaud. J'étais pas en Bretagne, tu l'as deviné. Bah ouais, j'étais à Paname en métro. Merde les juice, je suis paumé. J'arrive pas à lire les panneaux. Pour sortir de là, comment que je fais? Je vais m'en retrouver comme un clodo. De jazz de Montréal vous invite à célébrer l'été pour sa 39e édition. Venez danser sur les rythmes envoûtants de Ravine. Voyez aussi Geoffroy et Clément Bazin pour une soirée électropop. Passez une soirée jazz fusion avec le groupe Soft Machine et venez vous trémousser sur les rythmes latino de Marina. Billets en vente au montrealjazzfest.com, présenté par TD en collaboration avec Rio Tinto, en association avec La Presse Plus et CISM. Le Festival international Nuit d'Afrique, l'événement incontournable de la musique du monde, vous donne rendez-vous à Montréal du 10 au 22 juillet pour sa 32e édition. Ne manquez pas le prince de l'Afrobeat, Femi Kuti et The Positive Force pour un grand concert d'ouverture explosif. En grande première, Jazzy à sa tour et sa musique shabby aux influences soul et pop. Et aussi Tété, Miklin, Sekouba Bambino, The Scatalyze et bien d'autres. Découvrez toute la programmation sur festivalnuitdafrique.com. Cette semaine, au Quai des Brumes, au spectacle son. Mardi 3 juillet, show surprise. Mercredi 4 juillet, en 5 à 7, hot jazz avec les Royal Pickles et The Lazy Bones. Et en soirée, AFGP and Friends. Jeudi 5 juillet, Blue Sky Stern Black présente Bells at Last, Tanya Ivor et Chiquita Magic. Vendredi 6 juillet, Brad Sox et Jesse Dangerously. Samedi 7 juillet, Dindon Tricari, Major Dub et Roxane Lucie. Dimanche 8 juillet, Déplug présente une surprise. Quai des Brumes, coin Saint-Denis et Mont-Royal. Pour plus d'infos et toutes les dates, visitez notre page Facebook. Vous écoutez CISM 89.3 FM. On s'en va écouter un show de radio. Ça s'appelle Roche, papier, ciseaux. Les filles aiment les podcasts, you know. C'est le best game que tu pourras jamais jouer. Roche, papier, ciseaux, allume maintenant, c'est le best game que tu pourras jamais jouer. Bon jeudi, 5.